Dossier 1, livre page 13. A. C'est un cartable. B. C'est une règle. C. C'est un cahier. D. C'est une trousse. E. C'est un livre. F. C'est une gomme.